pronto soccorso. En version estivale. Vous écoutez ? La croche-oreille. Alors, salut tout le monde, bienvenue à La Croche-Oreille Estivale, une émission d'art sonore et de musique merveilleuse qu'on écoute à CKRL, le 89.1 et à ckrl.qc.ca sur la toile. Le son dans les arts, mais par quel chemin, par quel canal? Si on avait à identifier un des principaux canaux de diffusion des arts sonores auprès du grand public, il nous faudrait sans doute pointer du doigt le monde du cinéma, qui va s'avérer un tremplin formidable pour les nouvelles sonorités et l'importance du son comme personnage central de certains films ou encore de certaines productions vidéo. Les exemples, pour ne pas dire les clichés, sont nombreux si on pense au film La planète interdite, Psycho, 2001, Odyssée de l'espace ou encore Conversation secrète de Ford Coppola, la contrepartie sonore finalement de Blow Up d'Antonioni. Ce mariage de sonorité expérimentale et de l'image constitue la toile de fond de cette rencontre que je vous propose ce soir avec la vidéaste et artiste visuelle Nathalie Bugeaud, qui expérimente sur le plan sonore depuis plusieurs années par le biais de sa production vidéographique. Vidéaste, bricoleuse sonore, artiste visuelle, Nathalie nous raconte ce soir sa trajectoire artistique et l'histoire d'une installation intitulée « Études vidéographiques pour instruments à cordes », exposition, installation qu'elle présentait à la Galerie de l'Œil de Poisson il y a quelques années, réalisée avec la collaboration du quatuor Busini, du compositeur Taylor Brook. L'installation vidéo propose un ludique mélange de textures qui sont à la fois musical, textile, vidéographique. En guise d'intro à ses confidences artistiques, on écoute ensemble une trame sonore tirée d'une vidéo récente de Nathalie Bugeaud intitulée « Pixels et petits points ». Alors, on écoute ça. Thank you.

Ainsi s'achève la croche-oreille sur les sonorités de la vidéaste et expérimentatrice sonore Nathalie Bugeaud. Mes plus sincères remerciements accompagnent Nathalie de nous avoir permis l'écoute de ses œuvres. Alors voilà, quant à moi, je suis de retour dimanche prochain, 20h, sur les ondes de CKRL pour une autre aventure sonore. Pour clore la soirée, je vous propose qu'on écoute la trame sonore d'une série intitulée Five Weather Reports du compositeur canadien Taylor Brook, un jeune compositeur de musique et d'environnement sonore qui a collaboré aux derniers travaux de la vidéaste Nathalie Bugeaud. Alors voilà, bonne semaine. Au microphone, Gaëtan Gosselin qui vous salue. Thursday and Friday, cooling off by Saturday, sleet by Sunday.